C'est à qui ? C'est à moi. Je voudrais des pommes de terre, s'il vous plaît. Combien ? 1 kilo. Et avec ça ? 500 grammes de carottes. Voilà. C'est tout ? Non. Je voudrais des fruits. Quels fruits ? 1 kilo d'oranges et des fraises. Ah, pas de fraises. Ce n'est pas la saison. Bon, ben... 500 grammes de raisins. Je vous dois combien ? 19,30 €. Au revoir. Au revoir. C'est à qui ?